Salut, on m'a dit qu'il fallait que je fasse plus de podcasts, du coup bah, je vais commencer maintenant. Après ça d'ailleurs j'irai sur archive.org parce que SoundCloud c'est vraiment de la merde, donc je pense que je posterai seulement le dernier contenu sur SoundCloud et puis je me démerderai pour que ensuite le reste soit sur archive.org. Enfin, vous trouverez ça quelque part dans la description de mon futur podcast qui sera en fait une lecture de ma soutenance. Je fais du teasing maintenant. Et ouais, je vais vous parler d'un jeu que j'ai fait hier soir, qui est un jeu Harry Potter qui s'appelle 7 ans à Poudlard, écrit par Jules Joindeau et réécrit par Théo Hennequin hier soir pour le consulat d'Elsland. C'est un jeu dans lequel on va jouer 7 années à Poudlard par le biais d'une salle un peu particulière où certaines choses vont se passer qui ne vont pas pouvoir sortir à l'extérieur, enfin bon bref. Ça, c'est pas très important. Mais c'est un jeu dans lequel les personnages sont écrits au neutre, ce qui est très bien, parce que le genre des personnages n'a pas d'importance. Et donc j'ai décidé et j'ai verbalisé d'entrée de jeu, on est 12 joueuses, donc c'est pas trop dur non plus, hein, on n'est pas 50, j'ai verbalisé d'entrée de jeu le fait que je jouais mon personnage au masculin. Sauf que voilà, 90% des autres personnes autour de moi, ou je dirais tout le monde, sauf deux amis qui ont tenté vainement d'amener les autres joueurs et joueuses à me genrer au masculin, tout le monde m'a genré au féminin. Et ben, ça me rend perplexe et ça m'ennuie un peu. Alors, je ne suis pas une personne trans, mais je ne suis pas conforme dans le genre ou je ne sais pas comment me définir parce que c'est pas fondamentalement important pour moi dans mon ressenti d'avoir une étiquette vraiment fixe. Donc je suppose qu'on peut dire que je suis non-binaire ou gender fluide ou etc. C'est pas très très important en l'occurrence. Toujours est-il que mon attachement à mon genre d'assignation est très superficiel, hein. Au quotidien, j'utilise davantage un pronom féminin parce que je ne suis pas satisfaite par le neutre en français et que je n'ai pas envie de me genrer au masculin au quotidien. Et c'est pas quelque chose qui le pronom masculin n'est pas quelque chose qui m'attire. Mais en jeu, très fréquent et peut-être la majorité des personnages que je joue ou en tout cas une bonne moitié sont des personnages genrés au masculin. Et notamment quand le genre n'est pas pertinent, j'ai tendance à aller vers un genre masculin parce que c'est quelque chose que j'apprécie. C'est la performance de la masculinité, quelque chose dans lequel je me sens très à l'aise, mais que je n'ai pas envie de performer au quotidien parce que cette masculinité virile que je peux performer en GN et prendre plaisir à performer en GN, je trouve que elle prend déjà suffisamment de place dans la société pour que j'ai pas envie de le faire au quotidien, quoi. Enfin bon, ça me regarde. Tout ça pour dire que bien que je ne sois pas une personne trans, le genre dans lequel je vais, le genre que je vais donner à mon personnage n'est pas tout à fait anodin parce que le GN, c'est un endroit où je peux librement explorer ou revendiquer plutôt des aspects de ma personnalité, de mon identité de genre, quoi, quelle qu'elle soit, qui ne sont pas les aspects que je mets en avant dans la vie de tous les jours. Où je me genre neutralement au féminin, on va dire. C'est-à-dire au féminin sans grande revendication de féminité, mais le pronom est là et il est féminin. Et donc voilà, je me mets, je suis un personnage masculin, on m'appelle par mon prénom tout le long, alors qu'il était Morgane parce que c'est un prénom mixte, soit. On m'appelle par mon prénom, par le prénom de mon personnage, pardon, et on me genre au féminin tout le long. Pourquoi? Alors, il peut y avoir plusieurs explications à cela. Après tout, je pourrais remettre en cause la pertinence de ma performance. Je pourrais me dire, je ne suis pas convaincant dans un rôle masculin. Je sais que c'est faux. J'ai le sentiment intime que c'est faux parce que la performance de la masculinité est vraiment quelque chose dans lequel je me sens à l'aise. Au quotidien, je ne performe pas la masculinité, on va dire, mais je sais prendre de la place dans le discours public. Je le fais un peu trop d'ailleurs. Prendre de la place quand je parle, quand je m'assieds, quand je vis de façon générale. L'occupation de l'espace qui est associée au masculin est vraiment quelque chose hélas, je maîtrise même dans ma vie ordinaire, on va dire. Et en plus, je sais que si je suis en contexte où je suis explicitement en train d'être un homme, ma performance de genre est vraiment impeccable, quoi. Donc, c'est pas ma performance. Et puis d'ailleurs, si c'était ma performance, sachez que ça ne change rien, hein. C'est pas parce que vous jugez que quelqu'un n'est pas crédible dans son genre que vous avez le droit de le ou la mégenrer, hein. Bon. Mais soit, c'est un GN, donc on va considérer que ce n'est pas transphobe de me refuser le genre masculin parce que, effectivement, dans la vraie vie, ce n'est pas le genre que j'adopte. Soit. Donc, ce n'est pas ma performance. Ma performance était bien, j'en suis convaincue. Même ma voix, vous m'écoutez, donc forcément, voilà. Même ma voix n'est pas une voix codée au féminin, en fait. C'est une voix qui est plus ou moins neutre. En tout cas, dans ma tête, elle est plus ou moins neutre. L'autre jour, j'écoutais la voix des chercheurs et chercheuses danoises qui ont mis au point une voix artificielle qui est neutre en genre, et je trouve que cette voix se rapproche assez de la mienne, ce qui me fait très plaisir. Mais bon, parenthèse. Je disais, on me genre au féminin, alors que j'ai explicitement dit que mon personnage était un personnage masculin, et que en plus, je performe explicitement la masculinité. Alors, on a 11 ans, on finit, on en a 18, donc j'ai vraiment changé, c'est-à-dire j'ai commencé avec une expression assez effacée, une voix un peu haute, etc. Et vers 13 ans à peu près, j'ai mué. C'est-à-dire, j'ai pris ma voix un peu plus ordinaire qui va être celle-ci. Et ensuite, d'année en année, j'ai vraiment explicitement pris de plus en plus de place dans ma façon de m'asseoir, dans ma façon de parler. J'ai joué le jeu du passage à l'âge adulte du mâle, on va dire. Alors pourquoi est-ce que, malgré le fait que la performance est OK, en tout cas, ne remet certainement pas en question l'immersion sacro-sainte en GN, il y a des choses bien moins plausibles que une personne assignée femme qui joue un homme dans un GN. Donc le problème est ailleurs. Ben. Ben, c'est une bonne question. Il y a quelque chose de très très très profond avec cet arbitraire du genre, c'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un, inconsciemment tu vas scanner cette personne et lui donner un pronom. On te le donne, ce pronom, et il reste. Alors, pourquoi? Par quel mécanisme mental ce pronom peut-il avoir un tel poids et une telle durabilité? Parce que finalement, on peut changer de prénom, on peut donner un pseudo, on peut donner un nom de personnage, etc., sans que ça cause de problème, et les personnes vont s'adapter extrêmement rapidement. Y compris les personnes qui ne sont pas du tout militantes, hein, c'est-à-dire que. Chez les cathos intégristes, quand tu t'appelles Mademoiselle Truc, dès l'instant où tu es mariée, tu es Madame Dupont, hein, et il n'y a aucun doute là-dessus, et personne ne va te ménommer. Alors pourquoi est-ce que si on peut ne pas te ménommer, on te mégenre? Ça me paraît pourtant plus difficile de mon point de vue. Je me dis quand même un prénom, c'est quelque chose qui est un peu plus essentiel dans la personne, en fait. Un nom, c'est quelque chose qui, en termes de désignation, est quand même plus important que est-ce que c'est il, elle? Ou je ne sais quoi. Cet épisode-là me met face au poids de cet arbitraire du genre et à l'importance sociale et culturelle que le genre possède. Parce que les personnes avec qui j'étais n'étaient pas du tout des personnes de mauvaise foi, alors je ne les connaissais pas tous et toutes, mais je suis prête à parier que c'est des personnes qui ont un niveau de déconstruction vaguement supérieur à la moyenne, quoi. En général, c'est-à-dire des personnes qui sont tout à fait prêtes à se montrer inclusifs avec des personnes de genre distinct. En tout cas, c'est quelque chose que je pense. D'ailleurs, personne ne m'a manifesté à l'égard de mon perso ou de moi une forme d'hostilité ou de doute par rapport au fait que c'était possible pour moi d'incarner un personnage masculin. Donc, ça n'est pas, on n'est pas dans un acte de sape, s'il vous plaît, si vous voulez. Il n'y a personne qui a décidé sciemment de me genrer au féminin parce que c'était nul que je me genre au masculin, vous voyez. Et pourtant, malgré la bonne foi des gens, le féminin sort à chaque fois. Et seulement voilà, déconstruire le genre comme une catégorie effective de l'ordre social dans lequel on est malaxé tout au long de notre vie et qui nous conforme. Ça passe aussi par comprendre pourquoi le genre est une évidence aussi profonde. Je dis évidence parce que c'est ça. Quand on voit quelqu'un, on lui donne un genre et ce genre résiste au changement de signe, par exemple. C'est-à-dire si vous rencontrez quelqu'un qui a une expression de genre féminine, vous allez dire OK, elle, même si toutes les fois où vous revoyez cette personne a une expression de genre masculine, la première idée que vous avez eue, c'est elle, et vous allez rester sur cette idée. À moins de la combattre activement, si cette personne vous le demande, par exemple, à moins de la combattre activement et de parvenir, au bout d'un moment, à élaborer un il. Mais quelle est l'origine de cette évidence? Est-ce qu'elle est linguistique, parce que le français est construit comme ça? Est-ce qu'elle est sociale? Un peu des deux, sans doute, et probablement d'autres raisons. Je suis très, très curieux, curieuse d'entendre vos suggestions par ailleurs, à ce sujet. Une dernière chose que j'ai remarquée et qui, pour moi, qui est une critique que je me fais, j'ai tellement l'habitude que en GN, quand je dis je suis un homme, le genre au féminin sans aucune autre forme de procès tout le long du jeu, j'ai dit quand on m'a demandé mon pronom, alors au début, le pronom de mon personnage, j'ai dit ah mince, j'ai pas voulu décider un genre parce que si on me demande pas de décider mon genre, bah, finalement, j'esquive quoi. Dans la vie de tous les jours, hein, comme dans le jeu, ça n'a pas de sens, ça ne change pas, pardon, ça n'est pas du tout indexé sur le contexte ludique. Et bon, j'ai réfléchi, on a fini le tour de table, j'ai réfléchi et j'ai dit, en fait, mon pronom, ça va être il, et j'ai rajouté, mais je vous en voudrais pas. Et ce point-là, il est assez crucial parce que c'est un aveu d'échec. C'est-à-dire que dès le départ, je sais, moi-même, je suis convaincue que malgré tous toute la crédibilité dont on va pouvoir se parer ma performance de genre, je serai genré au féminin. C'est un aveu de faiblesse et c'est un aveu c'est une résignation. J'aurais pas dû dire ça parce que, en fait, je leur en ai voulu. Pas activement, bien sûr, vous savez, c'est pas, je n'ai pas une rancœur terrible pour ces personnes-là, d'autant plus que je ne suis pas trans, comme je disais, donc c'est vraiment, ça touche à un aspect, à juste une parenthèse de ma vie. C'est quelques heures où on m'a mégenré, c'est pas comme si au quotidien j'avais à faire face à ce même genre d'attitude de on n'est pas transphobe, mais on n'arrive quand même pas à te genrer dans ton genre pour le genre auquel tu t'identifies, quoi. Mais voilà, en disant je ne vous en voudrais pas, ce que je suis en train de dire, c'est à la fois je sais que vous n'allez pas y le faire en fait, et je mens un peu parce que ça m'ennuie. J'ai pas de rancœur, je n'en veux pas aux gens, mais ça m'ennuie. Et ça m'ennuie parce que je ne comprends pas pourquoi. Alors, ça fait quelques années que je m'identifie comme queer, et donc ça fait quelques années aussi que j'ai pris le réflexe de dégenrer les gens, quelque part. C'est-à-dire que je pense qu'il y a bien 30% des personnes que je croise dans la rue de façon aléatoire auxquelles je ne vais pas savoir donner un genre et auxquelles je ne vais donc pas donner un genre. Et c'est intéressant parce que quand on devient soi-même queer ou quand on prend conscience son identité queer, on prend aussi conscience de la fragilité de ces déconstructions de genre et de du fait que l'expression de genre est un signe de l'identité de genre, mais pas le seul, et qu'en plus, personne n'a 100% d'identité de genre masculine ou 100% d'expression de genre, pardon, masculine ou 100% d'expression de genre féminine. Personne. À part à la télévision où éventuellement on va vous montrer du 100% mec, du 100% meuf, parce que quand même, il faudrait pas confondre. La plupart des gens ont une expression de genre qui elle-même est fluide, parce que c'est normal en fait, on n'est pas arrivé à notre genre H24. Et pourtant, on a beau pouvoir prendre des libertés, et même prendre des libertés sans se rendre compte qu'on est en train de ne pas se conformer à notre genre d'assignation tel qu'on devrait se conformer si on lit le manuel Être une femme en 2019. Même si c'est inconscient, on s'éloigne toujours, en fait. On dévie de la norme. Et pourtant, ce pronom, cet impératif nominatif du voilà quel est ton genre, voilà ce que tu es, il est très dense et il est très, très durable. Comme d'habitude, je finis par partir, par parler pendant 1000 ans. Et d'ailleurs, j'ai pas du tout de réponse, en fait, à la question que je me pose, qui est pourquoi le genre est aussi évident, aussi profondément ancré. Mais c'est quelque chose que j'avais envie de soulever sous cet angle du personnage, qui est un angle que moi je reçois souvent, mais qui est aussi quelque chose qui me touche en tant, dans mon identité, on va dire. Et en même temps, dont j'ai conscience qu'il ne me touche que de façon superficielle. C'est-à-dire que quand j'ai cette chose-là, quand je dis mon personnage sera un il, mais je ne vous en voudrais pas, je pense à toutes les fois où des personnes trans qui se sentent il, qui ont envie d'être il au quotidien, vont dire je ne vous en voudrais pas. Pourquoi est-ce que je pense que c'est acceptable? Pourquoi est-ce que je pense que le genre est une donnée si évidente, si fondamentale, qu'elle ne puisse pas être contestée? C'est la question que je pose. Et donc je vais répéter ce que j'ai dit précédemment, c'est que tant que on n'aura pas compris pourquoi le genre constitue une évidence aussi profonde que ça, on ne pourra pas aller au-delà du genre, et on ne pourra pas le déconstruire efficacement. Et ça passe, ça vaut pour les personnes cisgenres qui non formées au queer, on va dire, qui ne se posent même pas la question, mais ça vaut aussi pour les personnes comme moi aux identités de genre non normatives, qui vont partir perdantes en fait, qui vont partir en disant je ne vous en voudrais pas.